Et un matin, quand je reviens à la maison, j'apprends la grande nouvelle. Ma mère vient de faire le pas. Enfin, ça y est, me dit-elle. On va être chez nous. On va plaquer tout ça. Je comprends pas. Le père, lui, qui est là, a dressé une grande liste. On va acheter des pinceaux. Il va barboter des clous. Il va revenir avec des marteaux, des scies. Les tournevis. Ils ont l'air tout excités tous les deux. La grand-mère dans son coin se met en prière. Je demande qu'est-ce qui se passe. Alors je connais la nouvelle. Moi je vais quitter la cave. La grand-mère va quitter la cave. Et les deux vieux vont quitter l'horloge. On monte. On monte où ça? Tout de suite je ne fais pas le rapprochement. Dans les étages, ce sont des locataires qui parlent du bout des lèvres, qui nous parlent à nous du bout de la langue. Mais depuis quelque temps, une de ces locataires est en train de crever. Une Madame Niglis, une vieille femme. Et ma mère me dit qu'elle vient de crever. Qu'on va tous s'habiller, puis qu'on va aller voir la propriétaire. Mon père lui parle de poser des conditions. Ma mère dit non, on lui demandera autrement. On lui fera valoir que ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans que moi je suis en bas. Quelques années qu'eux ils sont au milieu. Et que c'est un peu un autre tour de commencer à grimper. La lente ascension. Les rats qui sortent de la cave et qui montent par les escaliers. Qui vont se retrouver au premier étage avec, d'un côté, des fenêtres qui donneront sur la chaussée et de l'autre, des fenêtres qui donneront sur la cour. Au lieu d'avoir une vue à ras de terre, on va avoir une vue du dessus. Au lieu de guetter l'eau la nuit, on va pouvoir guetter d'autres bruits. J'ai du mal à croire à ça. Eux ne se rendent pas compte que je n'étais pas totalement prêt. Je ne peux pas faire les choses, non pas brusquement, mais sans préparation. Ne serait-ce que de quelques minutes, mais que cette préparation, elle vienne de moi, elle vienne du fond. Je n'avais jamais pensé à quitter en bas. Mon père, sans doute, n'avait jamais pensé lui non plus quitter quoi que ce soit. Mais je découvre que ma mère, depuis des années, elle mijote dans un semi-espoir d'un jour pouvoir grimper l'échelle. Dans mon coin, je fais des calculs. Là où on était, il n'y avait rien à payer, ou du moins pratiquement rien. La loge était gratuite, bien sûr, et la cave, c'était une bouchée de pain. Mais grimper dans les étages avec, tout à coup, un appartement. Un appartement. Pour eux, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose que pour moi. Pour la grand-mère, elle, c'est carrément le coup de masse sur la tête. Elle est abasourdie. Elle, je sens qu'elle pense un peu ce que je pense. Dans 3 jours, tout sera fait. La Niglis sera enterrée. Et si tout marche comme le père le pense, il envisage même de gueuler pour l'avoir, et la mère, elle, par la douceur de l'obtenir, on sera là-haut, dans les étages. C'est ma mère qui décide de me faire monter avec elle. Je connaissais l'appartement, enfin je connaissais l'entrée. Quand le matin, il fallait distribuer le courrier, quand j'étais gosse, il fallait tirer sur un cordon. Et puis la vieille église venait, ouvrait sa porte. De plus en plus vigleuse vers la fin. Je lui tendais les lettres, puis j'essayais de la faire chier. Je lui tendais les lettres, pas en face, mais un peu à gauche. Alors elle cherchait à droite. Après, elle allait à droite, alors je l'étendais à gauche. J'avais le temps de regarder chez elle. Ça devenait de plus en plus sale. Ma mère, qui avait été chargée par une nièce de cette femme, de faire un peu le ménage, de temps en temps, essayait de m'entraîner dans les pièces. Le plus loin que j'avais fait dans cet appartement, c'était le couloir, tourné tout de suite à droite et tombé dans la cuisine. Une cuisine qui était aussi grande que la pièce dans laquelle on avait tous vécu. Et je regardais. Un réchaud à gaz, ce qu'on n'avait pas. Une grande cuisinière avec au-dessus une hotte. Une rangée de casseroles, une série, comme disait ma mère. Avec son ongle, elle faisait un tel métal. Et elle souriait. Jamais j'ai pensé qu'on pourrait monter, qu'on pourrait avoir une série de casseroles. Et là, dans les escaliers, en grimpant, lentement, elle qui chantonnait, moi derrière, je me mettais à oublier ma nouvelle folie, enfin, ma nouvelle redécouverte, mon histoire d'en dessous. Le cul un peu beurré par la rosa, elle sortait, elle, sa grande clé, me faisait rentrer dans l'appartement. Elle marchait sur la pointe des pieds parce qu'elle était morte, mais on ne fait pas de bruit. Alors je me suis retrouvé dans le couloir. Elle m'a dit, mais vas-y, regarde tout, puis je vais te montrer ta chambre. Alors la vieille église devait se trouver dans sa chambre qui donnait sur le devant, sur la chaussée. Je n'avais pas envie de la voir. Ma mère m'a dit, après la cuisine, il y a l'office. Alors je suis passé dans une pièce que je ne connaissais pas. C'était une pièce aussi grande que la cuisine, avec des vieux meubles là-dedans, un vieux fauteuil dans un coin, au mur des cadres, des photos dans les cadres, ou peut-être des tableaux ou des reproductions. Beaucoup de chevaux. Beaucoup de chevaux parce que le mari, mort depuis longtemps et que je ne me souvenais pas avoir connu, était un directeur de champ de course, en province, je crois. Alors, sa marotte, c'était les chevaux de course qui collectionnaient dans des cadres, des chevaux qui sautaient des haies, qui arrivaient sur un poteau, des jockeys debout sur leurs étriers, qui cravachaient la bête. Je restais là. Je tentais un œil par la fenêtre de l'office dans la cour. Toute petite, déjà en bas, et pourtant seulement deux étages. La cave, le rez-de-chaussée, et j'arrive au premier. Le coin où... Non, j'y pensais plus. Je pensais plus au coin où la bouteille avait été jetée. Je me rendais compte que ça allait me faire un drôle, très drôle de changement. Je me demandais comment le jour j'allais pouvoir dormir là. Là, j'entendrais davantage les bruits. Parce qu'avec le marin, il était pas question, ou en tous les cas rarement question que je dorme le soir. Dès qu'il arrivait chez Farman, il plongeait sous l'établi. Enfin, ma mère est arrivée. Tu as vu ta chambre? Non. Tu veux pas voir ta chambre? Mais viens, mon petit, viens. Tu vas voir, c'est magnifique. Ça sera beau. Et elle a poussé une autre porte qui se trouvait dans l'office. Et on est arrivé dans une pièce plus grande que la cuisine, plus grande que l'office. Dans cette pièce-là, il y avait deux portes, celle par laquelle on était passé et une autre porte, un peu à gauche. Elle m'a dit, derrière cette porte-là, ça sera ma chambre. Je me sentais pas à mon aise. Elle était déjà dans sa chambre et l'autre était encore dans la sienne. Alors moi, j'essayais de parler tout bas. Elle aussi, elle me rejoignait dans la voix basse. Et deux, trois, quatre mots après, elle se mettait à monter dans une voix énervée, aiguë, suraiguë, crissante. J'avais envie de lui dire, mais ferme-la, elle est morte, mais je pouvais pas lui dire, et puis je me foutais de la morte, mais il y avait un mais, quoi. Alors je me suis posé des questions, que petit à petit je lui posais à elle, à voix haute. Tous ces meubles, tous ces vieux machins usés, qu'est-ce qu'elle pensait en faire? Alors c'était très simple pour elle. La nièce, disons l'héritière, voyant que l'héritage n'était pas autre chose qu'un tas de poussière, avait fait comprendre à ma mère que tout resterait, tout serait pour elle. Alors même la série de casseroles, même le réchaud à gaz, un vieux machin en fonte vernis, vert foncé, vert olive. Et puis la hotte aussi. J'ai fait demi-tour, je suis revenu dans la cuisine, je voulais me rendre compte d'une chose. Si je passais sous la hotte sans baisser la tête, non, je passais pas. J'étais trop grand, je cognais dedans. Ma mère m'appelait, qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais la hotte. Oh, cette hotte-là, ton père va la démolir. Ah bon? Ton père va... Il m'a dit, tu sais, ça va nous changer complètement la vie. C'est pas lui qui l'a dit, c'est moi, mais je sais que ça va changer ma vie et ta vie et celle de ton père, tu verras. Je crois que il ne le savait pas, mais ça n'allait plus en bas. Tu comprends, depuis... Oh, puis c'est pas la peine de parler maintenant. Viens voir ta chambre, tu verras. Regarde, il y a une cheminée. Tu pourras faire du feu dedans. Quand tu rentreras le matin, ou bien le soir, parce que tu vas pas toujours travailler la nuit, alors le soir, tu pourras faire du feu dans la cheminée. Comme elle le faisait. Tu vois, on lève ça, alors elle a levé un tablier, en fonte, en tôle. Puis j'ai vu le petit foyer dedans. C'est la première fois que je voyais une cheminée. Une cheminée où on pouvait faire du feu directement dedans. Ça me semblait difficile d'avoir chaud avec ça. Toute la chaleur devait monter, s'engouffrer dans les tuyaux. Mais ma mère me certifiait que non. On achèterait des grandes bûches, et puis quand on ne pourrait pas les acheter, on irait dans le bois et on barboterait. Mais pas des brindilles. Fini les petites brindilles pour allumer le feu. Là, on mettrait des bûches. De grosses bûches. Ça crépiterait. Ça ferait des flammes. On pourrait rester dans une chambre où il y a un feu, dans la cheminée. Sans avoir besoin de la lumière, me disait-elle. C'est beau. Je me demandais si elle inventait, si elle imaginait, ou bien si vraiment elle avait vu une fois dans sa vie un feu dans une cheminée. Peut-être qu'un soir, en arrivant chez la Néglisse, il y a des années, elle avait vu ça, mais ça m'étonnait. Non, elle avait l'imagination brusquement déchaînée. Elle était comme un peu folle. Alors le lit qui était là, ça allait devenir mon lit. Mais alors qu'est-ce qu'on ferait du mien qui était en bas? Moi aussi, mon imagination commençait à se débrider. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit, tiens, elle est là. Alors je me suis approché, je l'ai regardé. C'était pas la première fois que je voyais un mort ou une morte, mais je me sentais autre chose que gêné. Pas du tout à ma place. Dans le visage de la vieille Néglisse, il y avait quelque chose que je n'aurais jamais, que ma mère n'aurait jamais, que nous, les envahisseurs, nous ne pouvions pas ni connaître ni montrer aux autres. C'était ce visage qui, même dans la mort, restait le visage des gens sereins, des gens qui ont passé une vie à aller d'un fauteuil à un autre, à avoir le geste très machinal et devenu coutumier de tirer un tiroir, ce que ma mère faisait au moment même où je pensais à tout cela. Sortir du tiroir un sac dans lequel elle fouillait et dans lequel pendant des années il y avait eu continuellement de l'argent dedans. C'était ça que son visage me disait. Des gens qui peuvent se permettre d'avoir un appartement de combien de pièces? Alors mentalement je comptais la cuisine, le fils, ma future chambre. Ça faisait trois du côté de la cour. La chambre dans laquelle elle était, la vieille, ça faisait quatre sur la chaussée. La salle à manger, ça faisait cinq. Un salon, six. Et peut-être encore une pièce dans le fond. Ça devait faire sept. Le tout arrosé par un grand couloir, des chiottes à l'entrée. Ma mère est revenue vers la... l'église. Puis elle l'a bien regardée. Et elle a dit, oh, c'était une... c'était pas une mauvaise femme. Et tout à coup, je lui ai dit, mais tu fais des projets, tu me montres ma chambre, ta chambre, tu dis que le vieux va casser la hotte, on n'a pas encore l'appartement. Et pourtant, c'est elle qui avait raison. Quelques jours après, une fois la néglise enterrée, c'était fait. Le probloque était tombé d'accord. Il avait fixé une condition que ma mère ne disait pas, mais que je soupçonnais, c'était d'assurer que les loyers seraient payés régulièrement. Il devait y avoir une clause, mais on avait balayé la clause d'un geste très large, du côté des miens. Aucun problème à avoir. Donc il faudrait qu'on économise, qu'on mette de côté à chaque paye un peu de l'argent qu'on ramenait tous les trois à la maison pour pouvoir payer le loyer. C'était faisable. À l'usine, moi aussi je m'étais mis à avoir mes plans, à commencer à verboter des outils à droite, à gauche, des tournevis. J'étais décidé à installer ou à réinstaller ou à réparer tout ce que la vieille avait pu laisser derrière elle, comme électricité branlante, plus ou moins en panne, des fils qui pendaient ici et là. Et tous les matins, au lieu d'aller me coucher, je montais au premier. Et je tapais dans les murs. Je vissais, je dévissais, je rabotais. Le père, le soir, à peine sa journée finie, il quittait l'usine. C'était fini les bistrots. Il fonçait à la maison, tête baissée sur sa bicyclette. Et il reprenait le travail là où je l'avais laissé. En un mois, tout a été en partie remis en état. On aurait d'ailleurs très bien pu rentrer dans l'appartement sans rien toucher, en dehors de quelques boutons et une vitre ou deux à remplacer. Mais quand le grand jour est arrivé, un grand jour qui était aussi le jour d'un autre type, car la cave en bas, on la laissait sans occupant. Mais la loge, il fallait trouver le remplaçant. Alors il l'avait trouvé avec un copain, qui lui justement quitterait une toute petite pièce qu'il avait dans le fond d'une cour, et curieux comme tous ceux qui vivaient autour de nous, ne vivaient que dans des cours. Alors il a pris sa loge. Nous, on avait monté les affaires paquet par paquet. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça remplissait un peu les armoires. Il restait de vieilles fringues dedans à la néglisse. Alors ce serait la grand-mère qui les porterait. Des fringues très anciennes, avec des jupes ou des robes qui, tout en plis, descendaient jusqu'au talon. La mère trouvait que c'était très beau, un peu défraîchi, avec une odeur de poussière, d'un ancien parfum qui n'avait pas réussi complètement à disparaître. La grand-mère a pris position dans sa chambre, moi dans la mienne. Et j'ai, un samedi soir, passé ma première nuit dans un lit qui n'avait jamais été le mien, avec à la tête et aux pieds de grandes colonnes. Le long du mur, il n'y avait rien. C'était pas ce qu'on appelle un baldaquin, mais j'aurais pu tendre un filet ou un drap au-dessus, et puis ça en serait devenu un. Le vieux avait trouvé une bouteille dans un coin, quelque part, et après l'avoir siroté tous les quatre ensemble, en gloussant, j'étais pas énervé. Au contraire, étrangement calme, le père et la mère l'étaient, eux, très énervés. J'étais convaincu que j'entendrais le lit grincer. Puis on s'est séparés. Bonsoir. Et chacun est allé dans une autre direction. Une direction qui pour eux semblait très commune, très connue. Le père est parti le premier en entraînant les savates. La vieille le suivait. Ils ont tiré derrière eux la porte de la salle à manger. Ils ont fermé lentement celle du salon, qui était une grande porte vitrée, que ma mère avait astiquée, dont les vitres étaient biseautées. Et dans les biseaux, j'avais retrouvé ce que j'avais découvert des années avant avec une locataire, qui était deux étages plus haut que nous, maintenant, qui avait elle aussi la même porte vitrée. De ce côté-ci de la maison, il y avait des salons. De l'autre côté, il n'y en avait pas. Et ils se sont mis à rire dans leur chambre. Alors j'étais embarrassé de rentrer dans la mienne. J'aurais préféré faire de l'office ma chambre. C'était plus petit, près de la cuisine. Je me serais peut-être senti un peu plus chez moi. Enfin, au bout d'un moment, je suis allé dans la chambre. J'avais une petite lampe à la tête du lit qui était faite dans une ancienne lampe à pétrole que la mère Néglise avait dû faire bricoler par quelqu'un dans le quartier. Je l'ai éclairée. La lumière ne partait pas au plafond. Elle tombait au contraire sur cette petite table de nuit que j'avais pour la première fois avec un marbre dessus. Je posais ma main, c'était froid. En dessous du marbre, il y avait un tiroir que je tirais lentement, qui ne faisait pas de bruit. Dans le tiroir, des objets, un chapelet, des feuilles très vieilles, jaunies. Je refermais le tiroir. J'avais l'impression d'être un voyeur, d'être un usurpateur. En dessous, une grande porte. En dessous le tiroir. Enfin, une porte carrée qui s'ouvrait comme une petite fenêtre ou comme une petite porte sur le côté. Il fallait tirer un peu sec pour pouvoir déclencher le ressort. Et là-dedans, une niche avec un pot de chambre. J'ai regardé le pot de chambre. Et je me suis dit, quand on a des chiottes à côté de soi, on pisse quand même dans un pot de chambre. J'ai sorti le pot de chambre, je l'ai regardé. C'était en, je crois, en faïence. Blanc. Avec une anse. Il était lourd. Ça aussi, c'était un autre monde que le nôtre. Nous, si on avait eu un pot, il aurait été comme chez la grosse. En tôle émaillée, ou du moins avec, au départ, de l'émail, puis ensuite des taches de rouille. Alors j'ai refermé le petit tiroir. J'inspectais vraiment cette petite table de nuit. En dessous, il y avait un compartiment libre, sans porte, sans rien. Et des journaux. Peut-être des revues ou des magazines. Tout ça avait un temps très lointain. 15 ans, 20, 30, 40. Je me suis assis sur mon lit. Et je regardais dans la pièce. L'immense fenêtre. Une fenêtre d'au moins 2 mètres de haut. Avec de très grands rideaux, vieux, mais qui, tout en étant déchirés, ne faisaient pas sale. Chaque trou était comme une broderie du temps. Et puis de chaque côté de la fenêtre, deux gros flots de draps qui tombaient, vert foncé ou gris vert. Un peu la tenue des Allemands à l'époque. J'ai essayé de faire marcher les rideaux. Ça venait pas en tirant dessus. Puis j'ai découvert, à force de m'acharner, mais silencieusement, j'ai fini par découvrir deux ficelles. Alors j'ai tiré sur une ficelle, sans savoir ce que ça allait faire, puis sur une autre. Et c'était l'autre qu'il fallait actionner. Les rideaux se sont fermés. J'étais donc tout à fait chez moi. Dehors, des volets, qui étaient déjà fermés aussi, une fenêtre bien bouclée par où le vent ne passait pas, des petits rideaux fins, ajourés et troués, et par-dessus tout ça, un manteau, comme un manteau. Entre la cheminée et la fenêtre, une armoire dans laquelle ma mère avait foutu mes chemises. C'était la seule armoire. Non pas qu'il y avait dans l'appartement, il me semblait qu'il n'y avait que des armoires là-dedans. Mais la seule armoire qu'elle avait vidée et peut-être désinfectée, pas celle de Javel. J'avais une dizaine de chemises, caleçons, pull vert, un pantalon. Ça avait l'air vide et nu là-dedans. Sur la porte de l'armoire, il y avait naturellement une glace. J'ai regardé dans la glace, je me suis vu. Je me connaissais pas avec un éclairage pareil, qui venait du fond de la pièce, un peu en bas. Ça m'éclairait plutôt les pieds que la tête. Le haut retombait dans la nuit. Je me suis fait une grimace, puis je me suis souri. J'ai continué l'inspection de la chambre. Il fallait que je la découvre et que elle m'accepte. Alors, il y avait ce que ma mère avait tout de suite désigné comme un secrétaire. Une table qui était, disait-elle, en pichepin. D'un bois rose doré. Des pieds un peu tarabiscotés, tordus, gonflés, qui redescendaient ensuite comme s'ils avaient voulu se les croiser. Une surface plane, un tiroir en dessous. Mais sur le dessus, ce que je n'avais encore jamais vu, d'autres tiroirs. Et entre le tiroir de gauche et le tiroir de droite, une petite glace qui pouvait pivoter sur un axe. Un secrétaire aurait pu s'asseoir là et se regarder tout en écrivant. Dans les tiroirs, il n'y avait plus rien. Ma mère avait, spécialement pour moi, fait le vide. Je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien foutre là-dedans. Dans le tiroir de droite, je mettrais ma pommade. Dans le tiroir de gauche, mes cigarettes. Et puis dans le grand tiroir qui était sous le tablier de la table, je pourrais mettre un crayon ou du papier pour envoyer des lettres. À qui ? Ça, je ne le savais pas. Sur l'autre pan de mur était accrochée une tapisserie sous bois avec un cerf qui sautait dans le fond par-dessus des buissons, des chiens qui avaient la gueule ouverte, la langue qui pendait. Le tout, là aussi, sale et usé, mais comme la tapisserie était faite, je crois, en deux ou trois tons, les taches foncées mettaient en valeur toute la partie éclairée. Le long de la tapisserie, deux fauteuils. Ma mère connaissait les noms de ces fauteuils, elle appelait ça des crapauds. Alors je me suis mis à chercher pourquoi on appelait ça des crapauds. Ça n'avait pas du tout l'allure d'une bestiole. C'était légèrement défoncé. Je me suis assis sur le premier qui était devant moi. J'ai essayé les ressorts. Ça couinait un peu. Je me suis relevé, je suis allé dans l'autre. C'était pareil. C'était deux frères qui couinaient tous les deux. Je suis revenu vers le lit. J'ai commencé à me déshabiller, à ranger mes affaires, parce que j'étais toujours très soigneux. Je ne pouvais pas quitter un pantalon ou une chemise sans poser le pantalon sur la chaise, la chemise sur le dos de la chaise. Et une fois à poil, je me suis glissé entre les draps. Je laissais la lampe allumée. Je regardais le plafond. Il était très haut, très loin, avec quelques craquelures, comme tous les plafonds que j'avais connus. J'essayais de fermer les yeux, tout en sachant que je ne trouverais pas le sommeil rapidement. Et je sentais que dans cette pièce, Il y avait comme trop d'air. Alors j'ai rouvert les yeux, je me suis levé, en faisant très peu de bruit. Je tendais l'oreille pour savoir, découvrir si le père et la mère dormaient. De leur côté aussi, c'était le calme. Est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts? Est-ce qu'ils avaient la lampe allumée? Qu'est-ce que faisait la grand-mère là-bas dans le coin? Elle était un peu reléguée. C'était une pièce qui n'était pas une chambre, je crois, au départ, dans laquelle la mère Niglis rangeait ses patates ou son sucre, enfin ce qui pouvait se conserver. C'était la pièce la plus froide, mais qu'elle avait voulu parce qu'elle était au nord, disait-elle. Comment passait-elle sa première nuit? Si pour le père ou la mère, il y avait peut-être eu des nuits ailleurs que dans la cave ou dans la loge, je pensais qu'ils avaient connu des hôtels. La grand-mère, elle, n'avait sans doute connu que ou bien les caves ou bien les chambres de bonne. Ça devait lui faire un drôle d'effet. Je me suis mis à penser aussi aux marins. Là où ils dormaient et là où nous allions dormir maintenant. Je me disais que on pourrait très bien lui donner l'office ou au pire des cas même le bout du couloir que mon père avait décidé d'abandonner complètement et d'en faire pour plus tard une penderie. Une penderie dans laquelle il envisageait déjà de mettre des pitons, des cintres et puis sur les cintres des frusques. Donc tous les deux vieux, ils s'étaient non seulement rehaussés de deux étages, mais pour leur avenir, ils en faisaient autant. Ils auraient un jour des frusques, ils meubleraient de leur présence cette espèce de grand château. Je tournais dans ma chambre. Je fumais, j'entrebâillais la porte de l'office, je regardais, je tendais ma main vers le bouton que j'avais installé, je donnais un coup de lumière. Le grand fauteuil, c'était peut-être ce qui m'avait le plus tapé dans l'œil de tout cet appartement qui était resté meublé. Un grand fauteuil recouvert en tissu brillant qui, pour moi, pouvait être de la soie. Le siège, légèrement défoncé, comme tout le reste, laissait passer un ressort. Et puis, comme il était capitonné, il y avait d'énormes boutons qui retenaient comme une bouche serrée avec des joues qu'on aurait gonflées autour d'elle. Et ça faisait un fauteuil à grimace. Je retirais la porte, je fermais la lumière, je revenais vers mon lit. Il faisait pas chaud. Alors j'ai passé mon froc, j'ai remis ma chemise, puis je me suis allongé sur le lit. Il y avait un édredon que j'ai tiré. Avec lui, j'ai eu trop chaud, je l'ai repoussé. Après, j'avais trop froid. J'éteignais ma lampe, je la rééclairais. J'en faisais autant avec mes yeux que je fermais, que j'ouvrais. Le sommeil ne venait pas. De temps en temps, j'entendais des bruits que je ne connaissais pas, ou que je connaissais, mais d'en bas et pas du dessus. Tout avait l'air de monter vers moi. Une voiture peut-être qui passait, quelqu'un qui courait sur le trottoir. Comme je n'étais pas directement sur la chaussée mais sur la cour, tous les bruits de la rue arrivaient très tamisés. Mais dans la rue Béranger, qui elle était du côté de la cour, alors il venait mais d'une façon très aiguë. Car après la cour en bas, il y avait un bout de ce qu'il est convenu d'appeler un jardin, qui appartenait au locataire qui s'était partagé en 8. Jardin auquel, d'ailleurs, mon père avait immédiatement dit qu'il revendiquait lui aussi sa part, puisque la mère Niglis avait droit à un petit bout. Alors, ça serait là-dedans qu'il arrangerait un petit cabanon avec sa bicyclette, et pour les 4 ou 5 mètres de terre qu'il avait, il envisageait au printemps de retourner ça, de planter des tomates, ou bien des patates, ou bien des poireaux. Les camions de Pavic qui travaillaient jour et nuit et la semaine comme le dimanche continuaient à passer, mais à une différence dans leur bruit et dans le tremblement qu'ils entraînaient dans toutes les maisons du coin. C'était d'énormes camions de 10 tonnes ou 15 tonnes. Dans la cave, le tremblement était là aussi très assourdi. Et la toute petite fenêtre ne vibrait pas. Alors que dans ma chambre, l'immense fenêtre de 2 mètres, dont les vitres n'étaient pas toutes très bien fixées, se mettait à trembler à chaque fois qu'il passait. Ça aussi m'empêchait peut-être de dormir. Alors j'ai pensé ouvrir la fenêtre, mais j'aurais trop froid. J'ai entrebâillé la porte de l'office, qui elle aussi grinçait quand il passait. De toute façon, même quand les vibrations disparaissaient, quand les camions arrêtaient ou partaient, quittaient le rond-point, il y avait d'autres bruits, d'autres moments à découvrir. Et je tournais sur mon lit, je me relevais, je reposais mon cul sur un crapaud et sur un deuxième crapaud. Je réouvrais les tiroirs du secrétaire. Je les refermais, je les réouvrais. Je sentais. Il fallait se faire non seulement au bruit, mais aux odeurs que chaque objet avait. Alors je me suis mis à tout sentir. Après le secrétaire, j'ai senti l'armoire, la porte de l'armoire. À l'extérieur et à l'intérieur, il y avait une différence. Et puis la cheminée, le grand marbre qui était fondu. Et la glace qui était au-dessus de la cheminée, qui, elle, était entièrement figée, qui ne donnait qu'une image vérolée. J'ai senti les pieds de mon lit, le matelas. C'était pas le moisi, mais une odeur qui n'était pas mienne et qui ne le serait sans doute jamais. Et en même temps, je refusais de prendre cette odeur. Je me disais, si je dors dans ce lit-là, si... Alors j'envisageais de lui foutre de l'eau de Cologne ou bien de pulvériser de l'eau de Javel dessus. Et la nuit passait lentement. Je m'en foutais, le lendemain c'était le dimanche. Je pouvais très bien la passer la première sans fermer l'œil. Et vers peut-être 2 ou 3 heures du matin, je sais pas, je n'avais pas d'heure. Mais enfin c'était sans doute ça. Tout était devenu étrangement calme. Et si ce n'avait été les camions de Pavic qui, eux, continuaient à entrer et sortir, on se serait cru un peu comme dans un désert. Enfin, comme j'envisageais ce que pouvait être un désert. Alors j'ai réouvert la porte de l'office, je suis passé dans la cuisine, je me suis retrouvé dans le couloir et tout doucement j'ai retiré la clé de la serrure de la porte d'entrée, j'ai fait jouer la targette. J'ai retiré la porte derrière moi et je me suis trouvé sur le palier du premier étage, en enjambant le tapis sur lequel on pouvait encore lire très vaguement, très usé, mais quand même Niglis, N-I-G-L-I-S. Je descendais lentement l'étage. On était déjà dimanche matin. Tout se déroulait très lentement, comme une machine à coudre qu'on aurait démultipliée au maximum, avec une aiguille qui aurait pu rentrer toutes les 10 secondes ou 20 secondes dans un tissu. C'était ça le temps, cette nuit-là. Alors j'ai quitté la pièce. J'ai quitté la pièce et je suis remonté là-haut. Le père et la mère étaient déjà debout. Lui faisant chauffer une goutte de café et elle se lavant les mains. Elle disait que c'était très pratique d'avoir l'eau et un évier en dessous et non plus une cuvette. Elle me demandait où j'étais et j'ai dit je suis descendu pour voir, comme ça, un peu dans la rue. Tu as dormi ? Je répondais oui. On dort bien dans un lit comme ça ? Oui, on dort bien. Le père, il me dit j'ai jamais autant roupillé de ma vie. Je dis oui, moi c'est pareil. Et alors c'est chouette parce qu'on peut s'étirer. Hein. Je dis oui, c'est ça. Et puis, t'as vu les fauteuils, là, tu les as essayés? Je lui dis, il y a des fauteuils partout, mais enfin, ceux de la chambre, je les ai essayés. Mais elle m'a dit, on les fera recouvrir. Je lui dis, c'est pas la peine. Elle dit, si, on va tout faire recouvrir. Je lui dis, non, je vois pas pourquoi, c'est bien comme ça. Elle me dit, pourquoi on va... Il faut qu'on efface. Effacer quoi? Elle me dit, il faut qu'on... Enfin, faut que ça change, on va quand même pas rester... Bon, on garde les meubles, parce que ça, les meubles, c'est normal, on va pas... On va les astiquer, mais... Enfin, les fauteuils, la toile cirée qui est dans l'office, tout ça, moi, je vais tout changer. J'ai pas eu le courage de lui dire avec quoi tu vas les changer, mais... Ou bien alors, elle avait décidé... Ou peut-être ils avaient décidé, tous les deux, de s'endetter plus encore qu'il n'était, c'est-à-dire de s'enterrer complètement. Ou bien alors il s'était devenu complètement jobard. Le père regardait les fenêtres, l'ouvrait, la fermait, celle de la cuisine, celle de l'office. Ça grinçait ici et là, alors je vais mettre de l'huile, je vais piquer des burettes à l'usine. Il faut que tout soit huilé là-dedans, tu comprends, ça faisait des années que cette vieille vache... Alors ma mère, pas une vieille vache, dit-elle. Oh, le vieux dit, tu sais, vieille vache ou pas vieille vache. De toute façon, il faut tout remettre en état. Je dis, mais ça y est, tout est remis en état, ça fait un mois qu'on gratte là-dessus. On a tout arrangé, on devrait tout laisser. Alors ils n'ont pas insisté. On a cassé la croûte le matin. Le premier casse-croûte dans une cuisine qui n'était qu'une cuisine. La grand-mère s'est levée, elle est venue, elle a bu son bol de café en faisant tremper son pain dedans. C'était elle qui était la plus silencieuse de toutes. Une fois son café bu, elle est repartie dans sa chambre pour se reposer, disait-elle. Mais elle supportait peut-être très mal cette première nuit. D'abord parce que pour elle, les bruits étaient certainement beaucoup plus présents et en tous les cas tellement changés que, comme pour moi, et ça je le voyais, non pas dans sa tête, sur sa tête ou dans ses yeux, c'est curieux comme ma grand-mère, elle parlait, mais avec ses mains. Et avec ses mains, j'ai compris quand elle est partie, les laissant tomber le long de son corps, que elle s'était peut-être fait... cette première nuit-là, pour des raisons différentes des miennes, mais peut-être pas trop éloignées. La première journée, eh bien, s'est passée sans rien faire. À aller d'une pièce à l'autre, mon père qui donnait ses petits coups de sifflet, et il attendait que je lui réponde. Ça, c'était sa manière quand, à peu près à jeun, le soir, il rentrait et il s'annonçait du fond de la cour. Par un petit sifflet qui, quand on avait la chienne, avait le don de la mettre en joie. Et qui mettait aussi la mère en joie parce que le coup de sifflet annonçait « j'ai pas bu » ou « j'ai moins bu ». Alors là, c'était pas pour dire « j'ai moins bu », mais pour dire « je suis loin ». Et j'ai fini par lui répondre. Alors ensuite, ils se sont mis eux à courir dans l'appartement. Lui passait de la chambre au salon, du salon il fermait la porte, il passait dans sa chambre. Dans sa chambre, il revenait dans la mienne, après la salle à manger, le couloir, il tournait, les chiottes, il ressortait. Une véritable cavalcade des gamins comme je n'en avais encore jamais vu. Comme moi, je n'avais jamais été. La grand-mère, elle, la porte bien fermée, devait les entendre. Et si je ne me trompe pas, elle avait dû croiser aussi ses doigts, elle était croisée continuellement en entendant les coups de sifflet. Sans sourire, sans faire sourire ses doigts et en faisant craquer un peu les phalanges. À midi, on a cassé la croûte. Après le repas, décision du père, on va les sortir. On va tous sortir dans le quartier, la grand-mère avec. Elle a dit non avec ses doigts.